Tu veux t'incruster dans ma vie, je vais parler français. Dis-moi ce que t'as à m'apporter. Et si on ne parle pas des erreurs du passé, relation toxique, j'ai laissé sur le cocoté. Mon bello, j'suis désolée, j'suis texto. Rien ne m'arrête, j'ai ma méthode. Alors laisse tomber, oh mon bello. Dans un autre monde, peut-être qu'on se reverra. Le train il est passé, tchou tchou tchou. Le train il est passé, tchou tchou tchou. Le train il est passé. Dans un autre monde, peut-être qu'on se reverra. Pour l'instant là c'est mort. J'ai pas besoin d'un homme qui m'oppresse, qui est jaloux, qui m'observe, qui m'envie, qui est chelou. J't'ai laissé derrière moi, t'es trop relou. J'ai trop souffert dans ça, oui je l'avoue. Mon bello, j'suis désolée, j'suis texto. Rien ne m'arrête, j'ai ma méthode. Alors laisse tomber, oh mon bello. Dans un autre monde, peut-être qu'on se reverra. Pour l'instant là c'est mort. Tchou tchou tchou, le train il est passé. Tchou tchou tchou, le train il est passé. Tchou tchou tchou, le train il est passé. Tchou tchou tchou, le train il est passé.